it's like, you know, some we always say they forget to forget. If the Lord forgets you, you will not like it. Mm-hmm. Bitte versucht immer pünktlich in die Gemeinde zu geben, weil einige sagen, sie vergessen es immer, aber wenn der Herr dich vergessen würde, würde dir das auch nicht passen. Faut vraiment être habitué à donner ton offrande à l'église ponctuellement parce que il y a quelqu'un d'entre nous qui dit que oui, on a, j'ai oublié, mais si l'Éternel t'oublie, tu ne seras pas aussi content. That you travel does not mean you don't bless the ministry. Nur weil du verreist, heißt das nicht, dass du nicht die Gemeinde dennoch segnen solltest. Le fait que tu es parti en voyage, ça signifie pas, ou bien en vacances, ça signifie pas que tu ne dois pas bénir la maison de l'Éternel. It should even help you even before that journey. You're supposed to even remember Christ, because Christ will be in that journey. Selbst vor dieser Reise solltest du sogar sagen, okay, ich muss erstmal gucken, wie ich geben kann, durch wen ich geben kann, weil steht vor dieser Reise. Même avant tes vacances ou bien ton voyage, tu dois être capable de te rappeler de donner à la maison de l'Éternel parce que l'Éternel il est avant ton voyage. You know, we never forget to pay our house rent. Then we forget to be there for Christ Jesus. Genauso wie du nicht im Urlaub vergisst, deine Miete zu zahlen. Du kannst auch nicht sagen, ich war im Urlaub, deswegen konnte ich meine Miete nicht zahlen. Yeah. Dennoch passiert das. Man richtet sich ein, Dauerauftrag oder sonstiges. Tu n'oublies aussi jamais de payer ton loyer locatif parce que tu sais que c'est une chose que si tu ne le fais pas, tu auras une conséquence bizarre, vraiment sérieuse. Et c'est comme ça aussi, tu n'oublies jamais à bénir l'Éternel, la maison de l'Éternel, parce que c'est aussi important. You're being there for the Lord is not because of us, it's because of you. Dat sein für die Gemeinde ist nicht wegen uns, sondern wegen dir. Quand tu bénis la maison de l'Éternel, c'est pas à cause de l'église ou bien que l'église a besoin de ton argent, c'est à cause de toi-même. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because of time, we quickly go to our message, which is Christ does not need any help from Satan. Wegen der Zeit werden wir heute kurz in die Botschaft von heute gehen. Christus braucht keine Hilfe vom Satan. À cause du temps, on va partir de notre thème. Et notre thème, c'est que le fait que Jésus-Christ n'a pas besoin de l'aide du diable. You know, this I never heard in Nigeria before even coming, that Satan is God's messenger. Ich habe Messenger Boy. I've never heard it, but it's common here in our religion here. Ich habe so eine Lehre noch nicht mal in Nigeria gehört, dass der Satan der Bote von Gott ist. Aber hier hört man das in Europa sehr oft im Christentum. Ici en Europe, dans le christianisme, j'écoute souvent dire que les gens pensent que le diable est un servant ou bien quelqu'un qui aide Jésus-Christ. Ça, je ne l'ai jamais écouté en Afrique. There are some denominations today that preach Satan is God's messenger. Es gibt einige, he has never been, and he will never be. Es gibt einige Denominationen, die predigen, dass der Satan der Bote des, von Jesus Christus ist, aber er war es niemals und wird es auch niemals sein, in Jesus Namen. Amen. Il y a aussi quelques dénominations qui disent que le diable est un messager de l'Éternel, mais lui, ça c'est faux. Ça c'est un grand mensonge parce que il n'a jamais été, il ne sera jamais le messager de Jésus-Christ. Even when he was Lucifer, the Lord never sent him to us. He sent angel Gabriel, sent Michael, but not Lucifer. Sogar als er selbst noch sogar bei Christus eingestellt war in seinem Unternehmen sozusagen, war er noch nicht mal dafür zuständig. Er war für die Musik zuständig. Engel Gabriel, er war der Bote des Herrn. Et même quand Lucifer était fut un de Dieu, quand il était encore au royaume des cieux, il était un musicien, il n'a jamais été un messager parce que c'était l'ange Gabriel qui était le messager de Dieu et pas Lucifer. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord never sent him to us and he has nothing to do with man from the beginning even till now. Der Herr hat ihn nie zu uns geschickt, Satan, und er hat nichts mit dem Menschen zu tun. Selbst von Anfang an war das so und es ist immer noch so und bleibt so. L'Éternel n'a jamais envoyé le diable chez les êtres humains et ça n'a jamais été comme ça et ça ne sera pas aussi le cas dans le futur. When he was Lucifer, now that he's now Satan, he has not. You know, the Lord is like day and night. The Lord never sent him. The Lord have enough angels in heaven. Und das gilt für die Zeit, als er noch Lucifer war, und es geht auch für die Zeit jetzt als Satan, weil der Herr hat genug Engel, die er als Boten schicken kann. Et ce, le fait qu'il n'a jamais été, il ne sera jamais un messager du diable, c'est valable pour le temps où il était encore Lucifer, au royaume des cieux, et maintenant qu'il est aussi le diable, qu'il est Satan, parce que l'Éternel, il a beaucoup des anges à envoyer aujourd'hui. For those that call Satan Christ's messenger, it is a very big lie. Für die Leute, die Christus, die den Satan, den Boten von Christus nennen, ist eine sehr, sehr große Lüge. Pour ceux qui disent que que le diable est un messager de Jésus-Christ, c'était un grand mensonge. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Christ Jesus have everything. Christus Jesus hat alles. Jésus-Christ, lui, il a tout. Amen. He does not need anything from Satan. Il braucht nichts von Satan. Il n'a besoin de rien qui appartient du diable. He can create and he can destroy. Er kann erschaffen und zerstören. Jésus-Christ, il est capable de créer et de détruire. Go to Matthew 28, verse 18. Matthäus 28. On va lire Matthieu 28. Praise the Lord. Vers 18. Er hat alles, der Herr hat alles. Und dann 28. Vers 18. Matthieu 28, verset 18. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. I have all power to do whatever I want to do. Er hat alle Kraft. He does not need any help from Satan. Er braucht keine Hilfe vom Satan. Amen. Jésus et Satan approche leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc il a toujours toute puissance. He can create and he can destroy without Satan. Er kann erschaffen und zerstören ohne den Satan. Il est capable de créer et de détruire sans même la permission du diable. Praise the Lord. Amen. He have his own messengers. Er hat seine eigenen Boten. Il a ses propres messagers. The angels. Die Engel. Et ce sont les anges. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Before the fall of Satan. Vor dem Fall Satan. Avant la chute de l'homme. There were three archangels. In heaven. Gab es drei Erzengel im Himmel. Avant la chute du diable, il y avait trois archanges au royaume des cieux. Amen. Amen. Before the fall of Lucifer, there were three archangels in heaven. Vor dem Fall von Lucifer gab es drei Erzengel im Himmel. Donc il y avait trois archanges avant la chute de Lucifer. Lucifer came from the inner circle. Lucifer kam aus dem inneren Zirkel. Donc Lucifer venait de l'intérieur, le cercle intérieur du Dieu. Yeah. Amen. Mm. He was very near to God. Er stand Gott sehr nah. Il était proche de Dieu. Amen. Amen. He was in charge of fine arts in er heaven. Er war für die Kunst zuständig im mm-hmm. Himmel. Lui, il était responsable de toutes sortes de l'art. Amen. He was in charge of fine art and music in heaven. Kunst und Musik. When he was Lucifer. Als er noch Lucifer war, dafür war er zuständig. Quand il était Lucifer, il était responsable de l'art et de la musique. He had nothing to do with the military. Er war nicht für das Militär zuständig. Donc il avait rien à faire avec les militaires. Michael is in charge of the ministry. Michael ist für das Militär. Im Himmelreich zuständig. Et c'était l'ange Michael qui était responsable du militaire. Amen. And there's another guy responsible. He was in charge of communication. That is Gabriel. Und Engel Gabriel war für die Kommunikation zuständig. Et l'ange Gabriel était responsable pour la communication. If you read the Bible, amen. When you read the Bible, Michael never bring a message. He is a fighter. Wenn wir uns die Bibel durchlesen, sehen wir, dass Michael nie Botschaften ausgetragen hat, sondern er ist ein Kämpfer. Et si on regarde bien dans la Bible, l'ange Michael, il n'a jamais été la personne qui transmettait les messages. Il était un guerrier. Praise the Lord. Hallelujah. Whenever there was fighting to be done, Michael showed up. Immer wenn es Kampf ging, ist Michael aufgetaucht. Quand il y avait une guerre, c'était Michael qui était vraiment sur place. Lucifer was not a fighter. Lucifer war auch kein Kämpfer. Fight. Er konnte nicht kämpfen. Lucifer, lui, il n'était pas un guerrier parce qu'il n'est pas capable, il ne sait pas comment faire la guerre, comment se battre. So also is Angel Gabriel. Angel Gabriel can't fight because that is not his department. Genauso wie Engel Gabriel, er kann nicht kämpfen, weil das nicht seine Abteilung ist. Tout comme l'ange Gabriel, il ne sait pas comment comment il ne sait pas comment se battre parce que c'est pas son département. Angel Gabriel only he brought messages. He was the chief of communications. Engel Gabriel einfach nur Nachrichten verteilt oder ausgeteilt, abgeliefert. Er war der, das Haupt der Kommunikationsabteilung. L'ange Gabriel, il a toujours été responsable de transmettre les messages parce que lui, il était à la tête de la communication. On va voir un exemple. Luke 1. Lucas 1. On va lire Luc 1. Praise the Lord. Alléluia. From verse 11 to 20. Lucas 1, von 11 bis 20. Luc 1, 11 à 20. Praise the Lord. Alleluia. This is concerning Zachariah. Hier geht es Zacharias. Ici, il s'agit de Zacharie. Praise the Lord. Hallelujah. And he was in the temple, and there appeared unto him an angel of the Lord, standing on the right side of the altar of incense. Verse 12. And when Zachariah saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zachariah, for your prayer is heard. And your wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Verse 14. 14. And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. 15. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. He shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. The only person filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. Die einzige Person, die von Mutterleibs an schon erfüllt war mit dem Heiligen Geist, war Johannes der Täufer. Ici, on voit verset 15 qui nous dit que Jean-Baptiste sera rempli de l'Esprit Saint dès la naissance de les seins de sa mère. C'était la seule personne. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Qui était rempli du Saint-Esprit et du sein de sa mère. Amen. The Lord is saying we are not different today. Der Herr sagt uns hier, wir sind nicht anders heute. Et l'Éternel nous dit aujourd'hui que nous ne sommes pas différents aujourd'hui. Amen. De Jean-Baptiste. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 16, and many of his children, of the children, verse 16, and many of the children of Israel shall be turned to the Lord, their God. 17. And he shall go before him in the spirit and power of Elijah to turn the heart of the father to the children and the disobedient to the wisdom of the just to make ready a people prepared for the Lord. Notice something here. He said to turn the heart of the father to the children. Do you see something there? Father to the children. Mm. The Lord to us. Er wird den Herrn zu uns wenden, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. The only Father. Verset 17 nous dit, si pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 18, as Zachariah said unto the angel, Whereby shall I know this? For I am an old man, and my wife well stricken in years. And the angels answering said unto him, I am Gabriel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. That stand in the presence of God, and I am sent to speak unto thee, and to show thee these glad tidings. Praise the Lord. Hallelujah. The communications minister. Ici, on voit verset 19 que Gabriel se présente comme le ministre de la communication. Amen. En disant ce qu'il a dit. And the same chapter from verse 26. Let's read us. 26. On va maintenant partir à verset 26. And in the sixth month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth. Another message. Une autre botchaft. Ici, l'ange Gabriel est parti à Nazareth, donc un nouveau service qu'il avait ici. You can see that Lucifer was not sent here. Is it Lucifer wurde nicht dazu geschickt. On voit ici que Lucifer n'a jamais été envoyé. And Michael was not sent either. Michael auch nicht. Michael aussi n'a été jamais envoyé. Praise the Lord. Amen. Amen. You know his kingdom is well organized. Sein Königreich ist gut organisiert. It's not a chaos. Da ist kein Chaos. Amen. Dans son royaume, il y a vraiment de c'est vraiment organisé, il n'y a pas du chaos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 27. So a virgin, verset 27. Exposed to a man whose name was Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And the angel came. Let's read it to 28. And the angel came in unto her and said, Hail, thou art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. L'ange entra chez elle et dit, Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Angel Gabriel, though he was one of the archangels, he can't fight. Obwohl Gabriel einer der Erzengel war, konnte er dennoch nicht kämpfen, weil das nicht seine Aufgabe war. Ici, on voit que on doit savoir que l'ange Gabriel, malgré il était un archange, il n'était pas, il ne se battait pas parce que ça c'était pas son département. C'était pas son travail en fait. On va lire. Praise the Lord. Daniel 10, 12 à 14. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thy heart to understand, unto chastise yourself before thy Lord, thy God. Thy words were heard, and I am come for thy words. Angel Gabriel is talking here. Amen. Gabriel redet hier. Ici, c'est l'ange Gabriel qui parle aussi avec Daniel. Verse 13. But the prince of the kingdom of Persia withstood me, one and twenty-one days. That is for 21 days. Satan, in the spiritual world, there was a fight. Gab's in der geistlichen Welt einen Kampf. Ici, on voit verset 13 qui nous fait voir qu'il y avait eu un combat dans le monde spirituel pendant 21 jours. And that's why after prayer, it's not, you know, sometimes once we don't pray, we think that is the end of the war. Deswegen, no, actually it's the beginning. Denken wir oft, dass das Ende vom Krieg ist, aber da fängt der Krieg erst an. Et c'est pour cela que quelquefois quand on prie, on pense que c'est la fin de la guerre, mais non, c'est là que la guerre commence. It said from the beginning, your answer was given, but it could not get through because there was a fight. In the spiritual world. Er sagt, von Anfang an war deine Antwort schon da, auf dem Weg zu dir, aber sie konnte nicht durchgehen wegen diesem Kampf, der in der geistlichen Welt stattgefunden hat. Michael dit que dès le commencement, ta réponse a déjà été accordée, mais vu qu'il y avait encore un combat dans le monde spirituel, tu n'étais pas capable de le recevoir. He said, but lo, Michael, one of the chief princes, came to help me. Not even Lucifer. Are you getting it? Michael ist ihm zur Hilfe gekommen, nicht Gabriel. Et puis il dit que c'est Michael, l'un des principaux chefs, qui est venu à mon secours, et pas Gabriel. And I remained there with the king of Persia. Verse 14. Donc c'était pas Lucifer, verset 14. Now I am come to make thee understand what shall befall the people in the latter days. For yet division is for many days. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. When Daniel was praying, als hij gebeten had, donc quand Daniel priait, guess who brought the message? Raad maar wer ihm diese Botschaft übermittelt hat. Qui lui a envoyé ce message? Gabriel. Gabriel. C'est Gabriel qui lui a envoyé la réponse. Amen. If you read the first prayer in Daniel 9, das erste Gebet in Daniel 9, the first prayer took just 3 minutes for Daniel to get the message from Gabriel. Just 3 minutes. 3 Minuten hat Daniel die Antwort bekommen, diese Botschaft bekommen von Engel Gabriel. Donc cette Daniel 9 nous fait voir ici que Gabriel que il avait deux prières qu'il avait fait, et la première prière a été il a eu la réponse à travers Gabriel après 3 minutes. Amen. 20 to 23. On va le lire Daniel 9 20 à 23. He said, and while I was speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel and presenting my supplication before the Lord, my God, for the holy mountain of my God. Yea, while I was speaking, but that is verse, this, we are now in verse 21, please. I was speaking in prayer, even the man Gabriel, who had, praise the Lord. Mm. Same Gabriel. Amen. Do you see it? Ici, c'est le même Gabriel qui a envoyé le message. Il a dit que je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel of Daniel 9. Praise the Lord. Hallelujah. Whom I have seen in a vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touch me about the time of the evening. Oblations, verse 22. And he found me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give this king an understanding. Verse 23. At the beginning of your supplications, the commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved. Therefore, understand the matter and consider the vision. Praise the Lord. Amen. I will quickly go through prayer. Let me use this opportunity to teach a little about prayer. Ich nutze diese Gelegenheit, um ein bisschen was über Gebete euch zu lernen. Je veux utiliser cette opportunité pour vous prêcher quelque chose concernant les prières. From verse 15, if you read it to 20, you can see Daniel's prayer. It was all about the old prayer. Und von Vers 15 bis 20 sehen, dass es das alte Gebet war, was Daniel angefleht hat. Er hat seine Sünden bekannt und hat Gott sozusagen angefleht. Mm-hmm. Donc, si tu vois dans Daniel 9, de 15 à 20, tu vas voir comment Daniel était en train de prier. Il priait dans l'ancienne prière, comment il le faisait, il était en train de le faire comme il suppliait l'Éternel ou bien il confessait ses péchés. Praise the Lord. Amen. I hope you know what is here. Do you get it? Mm-hmm. Amen. Let's read from verse 17 because of time. On va lire Daniel 9, verset 17. Now therefore, O our God, hear the prayer of your servants. They were servants then. Die waren dort damals noch Knechte und keine Söhne wie wir. Amen. Ici, il dit que, écoute, les prières de ton servant, eux, ils étaient servants à l'époque, pas les fils comme nous aujourd'hui. And his supplication, I cause your face to shine upon the sanctuary that is desolate for the Lord's sake. Verse 18. Verset 18. Oh my God, incline your ear and hear, open your eyes. And behold our desolation, and the city which is called by your name. For we do not present our supplication before thee for our righteousness, but for your great mercies. O Lord, hear, O Lord, hear, O Lord, forgive. Oh Lord, hearken. You can see. There are some churches that is, this is why they still pray today. Es gibt eine Gemeinde, die heute immer noch so beten. Verset 19 dit, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif. Donc il y a beaucoup des églises aujourd'hui qui prient comme ça. Praise the Lord. Alleluia. Amen. So we know, you know, the old prayer is different from the new prayer. Das alte Gebet ist anders als das neue Gebet. L'ancien prière, c'est différent que du nouveau de la nouvelle prière. We pray the right prayer, not just good prayer. This is a good prayer, but not the right prayer for us. Das sind, for them, Gebet, then, yes. Aber nicht das richtige Gebet von Christus. Damals war es für sie wichtig in ihrem Bündnis, aber nicht jetzt für uns. Ces prières, nous on prie les prières qui sont justes et pas les prières qui sont bonnes, parce que eux, à l'époque, ils priaient les prières qui sont bonnes et c'était bien pour eux à l'époque. Mais nous, avec la nouvelle alliance, on prie la prière qui est juste et pas celle qui est bonne. Amen. Amen. Even the last prayer. Selbst das Vater unser. Même la prière du Notre Père. It is a way to pray and not the word to pray. Es ist eine Art und Weise zu beten und nicht die genaue Anleitung, wie man betet. C'est une façon de prier, mais c'est pas une prière qui doit être priée comme ça. We don't pray with our Father, we pray with Jesus' name. Wir beten nicht mit unser Vater, sondern wir beten im Namen von Jesus Christus. On ne prie plus au nom de notre Père, mais on prie au nom de Jésus Christ. We start with him and we end everything with him. Wir fangen das Gebet mit ihm an und enden das Gebet mit ihm. Maintenant avec la nouvelle alliance, on commence notre prière avec Jésus Christ et on clôture aussi notre prière avec Jésus Christ. If you look at the period of Daniel, it was the period of the Father. Wenn wir uns die Zeit von Daniel angucken, war es die Zeit des Vaters. Si on voit l'époque de Daniel, on va voir que c'était l'époque du Père. It is different from the period of the son. Et cette prière, c'était différent. Cette époque, c'était différente que l'époque du fils. And it is different from this period that we are today, the period of the Holy Spirit. Genauso ist auch anders als die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, die Zeit des Heiligen Geistes. Et c'est aussi différent du période qu'on est maintenant aujourd'hui, et c'est le période du Saint Esprit, le nôtre. You know, then you cannot command the devil or demons to get out, because no one has the power to do that. Konntest du nicht befehlen, dass Dämonen oder der Satan ausgefahren wird von irgendjemandem oder irgendwas, weil du hast keine Kraft und Autorität, es zu wagen, den Satan überhaupt anzusprechen. À l'époque, tu ne pouvais même pas, tu n'étais pas capable à commander le diable de sortir ou bien de faire quelque chose, parce que tu n'avais même pas la puissance de le faire à l'époque. Then God alone has the power to do things, to change things, to cast out Satan, to do things. Nur Gott allein hatte diese Kraft, Dinge zu tun, den Satan auszutreiben und zu zerstören. Donc à l'époque de Daniel, donc l'époque du Père, là, c'était seulement Dieu lui-même qui était capable de commander, de faire des histoires ou bien de commander que les démons puissent disparaître ou bien chasser. And that is why they tell God to do something. Und deswegen mussten sie Gott sagen, dass er etwas tut. Et c'est pour cela ils ont toujours supplié Dieu de faire quelque chose, de chasser les démons ou bien faire quelque chose d'autre. They begging. Sie haben ihn angebettelt. Ils ont supplié l'Éternel. They live like beggars. Sie leben so wie Bettler. Ils ont vécu comme des mendiants. Because servants always live like beggars. Weil Knechte immer wie Bettler leben. Parce que les servants vivent comme les mendiants. Praise the Lord. Alléluia. We thank him for the period of the son. Amen. Et c'est pour cela qu'on lui remercie pour le période du fils. Now that we are called the sons of God. Jetzt, da wir die Söhne Gottes heißen, ist es eine andere Sache. Parce que à travers cette période-là, on est maintenant capable d'être appelé les fils de Dieu. C'est vraiment différent. But now, Christ is saying, you do something. Jetzt sagt aber Christus, du musst jetzt etwas tun. Du als Kind Gottes musst jetzt etwas tun. Et dans ce période ici, c'est Jésus-Christ qui nous ordonne à être actif, à faire quelque chose, à chasser les démons. Because God himself have done everything for you. Denn Christus selbst hat, Gott selbst hat alles für dich schon getan. Parce que Dieu lui-même, il a déjà tout fait, tout accompli pour nous. He has given you the greatest. Il t'a donné le plus grand qu'il pouvait te donner. Amen. He has given you everything. Il t'a donné tout. Amen. Let's go to Mark 11. On va lire Marc 11. Praise the Lord. Alléluia. Mark 11, from verse 11. On va lire Marc 11, verset 11. Praise the Lord. Alléluia. And Jesus entered into Jerusalem and in the temple. And when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the 12. Verse 12. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. Praise the Lord. Yeah. And anytime I see, you know, Jesus, how he experienced what we are even experienced. You know, sometimes when we come from outside, we are so hungry. Lese, wie Jesus etwas durchmacht, was wir auch durchmachen, wie zum Beispiel hungrig nach Hause kommen, dann muss ich immer lachen. Ici, c'est vraiment bizarre et rigolo quand je vois ici et je réalise que Jésus-Christ avait faim comme nous, comme aujourd'hui, quelquefois on a faim. Tu viens de dehors et tu as faim. That he was hungry does not mean he was not God. Le fait que Jésus-Christ était affamé, ça signifie pas qu'il n'est pas Dieu. Praise the Lord. Alléluia. That's why you know the natural man cannot understand. How can God be hungry? Et ça c'est ce que l'être naturel ne peut pas comprendre. Il dit mais Jésus-Christ comment il peut être Dieu parce qu'il avait faim comme on le lit dans la Bible. They are dead in the spirit. Ils sont totem, guys. Eux ils sont vraiment morts dans l'esprit. They are spiritually blind. Geistlich verblendet. Les gens qui pensent comme ça sont spirituellement ils sont vraiment aveuglés. They cannot know the things of the spirit. Sie können die Dinge des Geistes gar nicht erkennen. Ils sont pas capables à reconnaître les choses spirituelles. They don't know that there is a spirit. You know that man is not just the body, it's the spirit. Sie wissen nicht, dass sein and Geist have a soul and he live just in it. You know the body, just the exosuit. Sie wissen nicht, dass der Mensch Geist ist, eine Seele besitzt und in einem Körper lebt. Dieser Körper ist dieser Erdanzug, dieser irdische Anzug. Ils ne savent pas que l'être humain est un esprit qui vit dans un corps. Et ce corps, c'est quelque chose terrestre. They don't know that it's not the body that controls man, but the inside. Sie wissen nicht, dass es nicht der Körper ist, den Menschen kontrolliert, sondern das Innere, der Geist. Ils ne savent pas que c'est pas le corps qui contrôle l'être humain, que c'est l'esprit qui est dans l'être humain qui contrôle tout. You see that Christ or Satan? Entweder kontrolliert dich der Satan oder Christus. Ou c'est le diable qui te contrôle ou c'est Jésus-Christ, rien d'autre chose. Praise the Lord. Les deux. Amen. God was hungry here. Gott war hungrig hier. Jésus-Christ était affamé ici. Just like you and me, we are hungry here. So wie wir hungrig sein können. Comme toi, tout comme toi et moi aujourd'hui, on a vraiment faim quelquefois. Nous sommes affamés. Just like you and me having some pain here. So wie wir Schmerzen haben. Tout comme toi et moi quand on a des douleurs. Just like you and me having one problem or the other here. Tout comme toi et moi aujourd'hui quand on a des problèmes. Praise the Lord. Alléluia. But that does not make you less than Christ. Aber das macht dich nicht weniger Christus. Et ça te rend pas inférieur de Jésus-Christ. Oui. No matter how, no what you are facing, you are Christ. Egal was du durchmachst, du bist Christus. N'importe quelle situation tu te trouves, toi tu es Jésus-Christ. No matter how hungry Jesus was, he's God. Egal wie hungrig Jesus war, er ist Gott. Amen. N'importe comment l'éternel Jésus-Christ a été affamé, il était Dieu. Praise the Lord. Alleluia. Nothing can change him. Nichts kann ihn verändern. Rien n'a été capable à changer. And in verse 13, he said, "And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet." Praise the Lord. Hallelujah. He was seeing something speaking to him. Er hat etwas gesehen, was zu ihm sprach. Quand il a vu ce figuier, il a vu quelque chose qui lui parlait. Just like your dreams can speak to you. Genauso wie deine Träume zu dir sprechen können. Tout comme tes songes peuvent te parler. Your body can speak to dein you. Dein Körper kann zu dir sprechen. Ton corps peut te parler. You know your age will speak to you. Dein Alter will speak to you. Ton âge, le temps, tout ça peut te parler. Your account have a voice. Every day we speak to you. Dein Konto hat eine Stimme. Your portemonnaie. Es wird zu dir sprechen. Dein Portemonnaie hat eine Stimme und wird zu dir sprechen. Ton compte bancaire, même ton portefeuille peut parler. Peut te parler. Praise the Lord. Alleluia. Jesus never ignored their voice. Jesus hat ihre Stimme niemals ignoriert. Mais on voit Jésus-Christ n'a jamais ignoré la voix de toutes ces choses qui lui parlaient. He did not see it natural. Er hat es nicht als natürlich gesehen, als normal. Il n'a jamais considéré toutes ces voix-là comme des choses naturelles ou normales. You know, we see so many things so normal. That I don't have money in my account, it's normal. It's not normal. Viele Sachen sehen wir als normal an, beispielsweise ich habe kein Geld, weil ich ein Student bin. Das ist normal. Nous, on considère beaucoup des histoires comme normales ou bien naturelles, parce qu'on dit que oui, j'ai pas beaucoup d'argent dans mon, je n'ai pas beaucoup d'argent. Oui, c'est normal parce que je suis étudiant ou bien on m'a pas payé. Amen. I went to bank, no money in my account. Oh, it's normal because I did not even pay any money. I did not work. And there's no salary. So this is normal. Oder you know, we see things so normal. Ich bin zur Bank gegangen, habe gesehen, dass ich nur wenig Geld habe, aber es ist klar, ich habe diesen Monat nicht so viel gearbeitet. Das ist normal. Wir sehen diese Dinge als normal an. Quelquefois, on part dans notre compte bancaire et on voit qu'on n'a pas d'argent et dit oui, ben ça c'est normal parce que je n'ai pas vraiment beaucoup travaillé aujourd'hui. On voit toutes ces histoires-là, on les considère nous-mêmes normales. You know, the pain is back again. Yes, the doctor said it. It's normal. No. Once it comes to supernatural, it's not normal. Oder der Schmerz ist wieder da oder vielleicht stärker geworden, aber das ist normal. Der Arzt hat das so schon gesagt oder vorhergesagt. Aber es ist die irdische Welt, in der himmlischen Welt ist das nicht normal. Ou bien quand tu as vraiment des douleurs, tu dis que oui, j'ai des douleurs, mais le docteur il a dit que c'est normal parce que c'est j'ai pas bien mangé, je sais pas quoi. Mais ça, c'est pas normal. Et quand il s'agit des histoires spirituelles, toi, toutes ces choses-là ne sont pas normales. We should be very careful of what we allow people to write into our heart. Wir sollten uns in Acht nehmen vor den Dingen, die Leute in unser Herz schreiben. On doit faire attention de ce que les gens écrivent dans nos cœurs. Amen. Amen. Things we meditate on. Dinge, über die wir nachsinnen. Les choses lesquelles on est en train de méditer sur. Amen. Amen. Sur les bad dreams, you keep on meditating on them. Vergangene Träume, über die wir nachdenken, sollten sie lieber zerstören, sie herausschleudern. Quelquefois, on continue à méditer sur les rêves qu'on a eu des années passées, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est mal. On doit vraiment les détruire, tous ces rêves. I'm not saying ignore it. Jesus did not ignore the fig tree here. Und ich sage nicht, Dinge zu ignorieren, weil Jesus hat den Feigenbaum hier auch nicht ignoriert. Er hat ihn konfrontiert. Je ne dis pas de ignorer les problèmes. Je dis que tu dois vraiment confronter ces problèmes parce que Jésus-Christ, ici à la base, comme on voit avec le figuier, il n'a pas ignoré la voix du figuier. Il a confronté le figuier. And Jesus answered. He answered because something spoke to him. Und in Vers 14 sehen wir, dass Jesus sprach. Er hat zu etwas gesprochen, weil diese Sache zu ihm gesprochen hat zuerst. Et verset 14 nous dit que Jésus-Christ il a répondu à cette voix qui lui parlait. It means all things have voice. Das heißt, alles hat eine Stimme. Donc ça te fait voir que toute chose a une voix. And you have to know when they are speaking to you. Du musst erkennen, wenn es zu dir you spricht. Have to answer them. Du musst dieser Sache antworten. Et tu dois reconnaître quand ces choses te parlent et toi tu dois être habitué à les répondre. Amen. Mm-hmm. When the old man is knocking at the door, you have to know when he's knocking, you answer. Mm-hmm. Wenn der alte Mensch an deiner Tür klopft, musst it du come. Das erkennen. Du darfst das nicht ignorieren, sondern du musst antworten, Christus. Quand l'ancien homme, ton ancien homme est en train de frapper sur ton cœur, sur ta porte, et toi, tu dois être vite à le reconnaître et à le reprendre. And Jesus answered and said unto him, no more eat fruit of thee hereafter, forever. Forever. I love that word, forever. No, want something, once you want to speak to something, you get out and never return forever. Demons. Und hier steht auch nochmal, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Mhm. Und auch dieses Ewigkeit ist sehr wichtig, weil wenn man Dämonen ausfährt, muss man den Dämonen klar machen, dass sie nie mehr wieder einen Zugang zurückbekommen, weil sonst werden sie einen Zugang zurücksuchen. Ici on voit que après que Jésus-Christ a vu que le figuier n'avait pas de fruits, il répondit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et cette parole jamais, c'est vraiment importante, on doit le souligner et se rappeler que peu importe quand le diable vient frapper à ta porte, tu dois lui rappeler et lui dire qu'il ne peut plus jamais revenir. Praise the Lord. Hallelujah. He said forever. Il a dit jamais. We have to learn to speak to things and make it to be forever. Wir müssen lernen, zu Dingen zu sprechen und dafür sorgen, dass es halt auch für immer dann gilt, was wir da sagen. Tu dois apprendre à parler aux choses ou bien aux problèmes et les rappeler que ce que tu as dit, c'est pour toujours. C'est valable pour toujours. Hallelujah. Susie, can you help us to read verse 15? Verset 15. Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in verse 15, he was angry. In Vers 15 war er wütend. Verset 15, il était vraiment furieux. Amen. But he was not a sinner. Aber er war kein Sünder. He did not sin. Er hat aber nicht gesündigt. Mais il n'était pas un pécheur. Il n'a pas péché malgré. Il était vraiment furieux. He said, and they come to Jerusalem. And Jesus went into the temple and began to cast out them that sold and bought in the temple. And overthrew the tables of the money changers and the seat of them that sold doves. Praise the Lord. Donc Jésus-Christ s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Praise the Lord. And he taught, verse 16, and will not suffer that any man should carry any vessel through the temple. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The temple is now our body. The temple is now our body. Le temple, c'est maintenant notre corps. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And we should allow him to be in charge of our body. Und wir sollten zulassen, dass er in Kontrolle ist von unserem Körper. Et on doit autoriser à l'Éternel à être au contrôle de notre corps. Verse 17. Can you read again, Susie? Verse 17. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Praise the Lord. Hallelujah. And in verse 18, and the scribe and the chief priest, verse 18, and sought how they might destroy him, for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine. The message. Ihre Lehre, seine Lehre hat sie zum Staunen gebracht, weil sie so kraftvoll ist. Donc on voit que toute la foule était vraiment frappée, étonnée de sa doctrine, de la doctrine de Jésus-Christ. Verse 19. Verset 19. And when even was come, he went out of the city. 20. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried off from the roots. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 21. Verset 21. Peter said, "Oh, Pala." Hey, calling to remembrance, said unto him. You know, Peter is very fast to speak. He's always fast. Master, behold the fig tree, which thou cursed, is withered away. And Jesus answered, said unto him, unto them, have faith in God. Mm. And just simple. Well, without jumping, he just said, have faith in God. Mm. You can do the same thing. Amen. Ohne überrascht zu sein, ohne rumzuspringen. They're not different. Hat Jesus gesagt, ja. Don't be surprised. Hab Glaube an Gott, sei nicht überrascht über das, was Gott tut oder tun kann. Verset 21-22, on voit que Pierre était vraiment. Il s'est rappelé quand il a vu le figuier, il disait que mes rabbis voient que le figuier c'est que tu avais maudit, c'est séché. Et Jésus-Christ, vraiment très souverain, il lui a dit que ayez foi en Dieu. Donc, et c'est comme ça que toi aussi, tu dois être, tu ne dois pas être agité. Tu as la foi. Si tu as vraiment la foi, tu dois aussi dire aux gens que oui, c'est simple. Don't doubt the word that you speak. Zweifle nicht an dem Wort, was du sprichst. Ne doute jamais à la parole laquelle tu es en train de prononcer. Don't doubt what you say to things. Zweifle nicht die Sachen an, die du zu Dingen gesagt hast. Amen. Ne doute pas à ce que tu es en train de dire. Don't doubt your prayer. Zweifle nicht an dein Gebet. Ne doute pas ta prière. No matter how it even look like. Amen. Egal wie es aussieht. Peu importe comment ça te semble. You never speak in vain. You never pray in vain. Amen. Tu betest niemals vergeblich. Peu importe l'apparence, tu ne pries jamais en vain. Don't allow the outside to control you. That's what Jesus is saying. Amen. You know, Peter was so, hey, what about if you did not say the root dried up? Will you still believe? Amen, amen. Lass nicht zu, dass das Äußere dich zum Zweifeln bringt oder dich so bewegt, weil Petrus, er war erst bewegt, als er das gesehen hat. Aber was, wenn das gar nicht passiert, wenn die Wurzel gar nicht verdorrt? Ici, on voit que c'est vraiment important qu'on ne doit pas se laisser influencer de l'apparence, parce que Pierre était vraiment trop agité quand il l'a vu. Mais dis donc, le figuier qu'il a maudit hier est vraiment séché. Et c'est pour cela qu'il était, oui, il était agité. Mais qu'est-ce qu'il, mais donc ça signifie qu'il a seulement cru parce qu'il a vu. Mais toi, tu ne dois pas douter, même si tu ne vois pas que ça a. Que ça a changé, tu dois rester à avoir la foi. He did not say have faith with what you see. Er hat nicht gesagt, glaube an das, was du siehst, was du gesehen hast. Amen. Il n'a jamais dit, il n'a pas dit que tu dois avoir la foi en ce que tu vois ou tu, oui. Have faith in your prayer. Amen. What you said, what you prayed, what you released, what you have commanded, what you have cast out. Have faith, he said, don't you? Was du befohlen hast, was du ausgetrieben hast. Hab Glauben, dass es schon geschehen ist, getan ist. Amen. Donc, il n'a pas dit, aie foi à ce que tu vois, mais tu dois avoir foi à ta prière, à ce que tu as dit, ce que tu as commandé, ce que tu as prononcé. Praise the Lord. Alleluia. Jesus is saying we are not different from him. Jesus sagt, wir sind nicht anders als er. Et Jésus-Christ nous dit que nous ne sommes pas différents de lui. Verse 23. Can you please say Richard? Verset 23 maintenant. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er gesagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Amen. Praise the Lord. For verily I say unto you, that whosoever shall say, you are the whosoever. Du bist der, wenn du me. Du bist der jemand. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ce quelqu'un, c'est toi et moi aujourd'hui. That whosoever shall say unto this mountain. He did not say, tell God about this mountain. He said, say unto this mountain. Nicht wer Gott über diesen Berg etwas erzählt, sondern wer zu diesem Gott. Je répète verset 23, la première partie dit que, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, pas si quelqu'un dit à Dieu de dire à cette montagne, non, que toi tu dis à cette montagne. Weil im alten Bündnis haben die Leute den Berg über Gott erzählt. Ce qui te rappelle ici que dans l'ancienne alliance, les gens ont dit à Dieu de commander à leurs problèmes ou bien de résoudre les problèmes. Mais ici, il te dit que c'est toi à le faire. You know, today, if you are telling God about the mountain, it means God is your problem, and not the mountain. Heute, wenn du Gott vom Berg erzählst, dann ist es ja so, als ob Gott das Problem ist und nicht der Berg. Parce que si aujourd'hui. He doesn't know anything. What is happening? Si aujourd'hui toi tu oses à raconter à l'Éternel des problèmes que tu as ou bien de ces montagnes, c'est comme si tu veux dire à Dieu que lui il ne sait pas ce qui se passe dans ta vie. Anscheinend ist Gott unwissend und du musst ihn aufklären. Genre l'Éternel ne sait pas de quoi il s'agit ici. Amen. That whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt, have faith in God. Amen. In his heart. Again, he's repeating it. Have faith. Und er wiederholt es, habe Glaube. Et puis, ici, il continue, il dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit, ça signifie qu'il se rappelle ici, en autre mot, il dit que tu dois vraiment avoir la foi en Dieu. He said, shall not thou but shall believe that those things which he said are not what and what he sees. It's not what you see, but what you said. I don't know if somebody's getting something here. Et si, et puis continuer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a, qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Donc, c'est que s'il croit, pas que s'il s'il voit, mais s'il croit à ce qu'il a, qu'il dit. You know, Peter's action was, he saw it, then there was joy. Petros, what about when there is nothing? He said, have faith that once you say it, there is joy. Amen. Petrus hat gesehen und sich dann gefreut. Aber Jesus sagt, habe Glaube, dass wenn du es sagst, dann glaubst du es schon, freust dich auch schon. Donc ici on voit que Pierre, quand il a vu, c'est là qu'il a eu la joie. Mais Dieu, nous, Jésus-Christ lui a corrigé, il a dit que, mais non, c'est quand toi tu parles, quand tu prononces, quand tu ordonnes, c'est là que tu y crois déjà et c'est là que tu as déjà ta joie. Pas quand Amen. Tu le vois. Amen. That, but shall believe that those things which he said shall come to pass. What you said, your prayer cannot go without accomplishing what you send it to do. Dein Gebet kann no doubt. Amen. No anything outside can make you doubt. Amen. No more pain can make you doubt. Amen. No more bills coming can make you doubt. Amen. Because the bills can come on. But this should never change your belief. Egal, wie viele Rechnungen noch kommen oder Probleme noch kommen oder Hürden noch kommen, es wird nicht das widerrufen, was du gesagt hast. Und es wird auch nicht dein Glauben an dem widerrufen, was du schon gesagt hast. Donc, n'importe, n'importe qu'est-ce qui va venir, oui, ce qui va venir, quand tu pries, tu y crois, donc ça signifie que n'importe qu'est-ce qui va venir en avenir, donc n'importe quel problème, n'importe quelle facture, n'importe quelle douleur, ça va pas rechanger ce que tu as prié, ta prière. Just like you never doubt your salvation, no matter what you see, what you do. An deine Errettung zweifelst, egal was du siehst oder tust. Tout comme tu vas jamais désister à la prière, à ton salut. Donc le fait que tu aies né de nouveau, c'est une chose que toi tu y crois vraiment dans ton cœur. Et c'est comme ça aussi que tu dois aussi croire quand tu pries. Praise the Lord. Alléluia. You know you never doubt your salvation. Du zweifelst deine Errettung. No matter what. Egal was es ist. Amen. Donc, tu dois savoir que tu vas jamais douter de ton salut. N'importe qu'est-ce qui se passe, tu ne doutes jamais ton salut. C'est comme ça que tu ne doutes jamais ta prière. So also the prayer we pray for you, you never doubt it. Genauso auch die Gebete, die wir beten, sollten wir niemals anzweifeln, niemals. Tout comme les prières que tu pries, qu'on prie aujourd'hui ici, toi, tu ne dois jamais les douter. The problem is coming more and more does not mean you fail. Dass Probleme noch mehr und mehr werden, heißt nicht, dass du versagt hast. Même si les problèmes se rajoutent malgré ta prière, toi, tu dois vraiment être ferme dans ta foi. Tu dois savoir que c'est quelque chose qui est déjà accompli. Praise the Lord. Alléluia. Amen. The darkest hour comes before the dawn. Die dunkelste Stunde kommt vor dem Tagesanbruch. Hey. Et avant le lever du soleil. Is it the Bible first? No. Hein? Is it the Bible first? No, it's not the Bible. Okay, can you say it again? The darkest. L'heure la plus sombre et avant le lever du soleil. On doit savoir que l'heure le plus sombre est avant le lever du soleil. Because things get harder before you have the vision, you can say the Dinge werden schwieriger, bevor du diesen Sieg physisch hast. Donc ça signifie que les choses vont devenir encore plus graves, plus douloureux avant de voir la manifestation physique. That things get harder or worse does not mean the end. Dass die Dinge härter werden. That you are a loser. Dass die Dinge härter werden, heißt nicht, dass du ein Verlierer bist oder dass du verloren hast. Not the end of your victory. Das ist nicht das Ende deines Erfolgs. Le fait que les choses malgré ta prière deviennent encore plus difficiles ou bien plus douloureux, ça signifie pas que tu as une chance. Die Tür ist nicht richtig zu, ne? Das klemmt, die klemmt. Praise the Lord. Amen. Please. Hast du Pause gemacht kurz? Amen. On va continuer. Again, the darkest hour comes before the dawn. Die dunkelste Stunde kommt vor den vor Tagesanbruch. L'heure, les heures les plus sombres sont avant le lever du soleil. If you are believing Christ, wenn wir Christus glauben, quand tu crois à l'éternel Jésus-Christ, it means that things get harder or worse does not mean the end of your victory. Das heißt, dass Dinge schwieriger werden oder schlimmer werden, ist nicht das Ende von deinem Erfolg. Donc ça signifie que le fait que les choses deviennent plus difficiles ou bien douloureux, ça signifie pas que c'est la fin de ta victoire. If you are believing him, wenn du ihm glaubst, si tu crois en Jésus-Christ. Amen. Amen. And Christ's voice is speaking, saying, the end is at hand. Und die Stimme von Christus spricht und sagt, dass das Ende naht. C'est la voix de Jésus-Christ qui parle et qui dit que la fin, oui, la fin est proche. You know, there are two voices speaking there. Es gibt zwei Stimmen, die sprechen hier. Parce qu'il y a deux voix qui parlent. Satan's voice is telling you to give up. Die Stimme von Satan sagt dir, du sollst you aufgeben. You are already a loser. Du bist ein Verlierer. No, it's getting worse. Es wird schlimmer. Donc la voix du diable te dit que oui, tu dois abandonner. Amen. But Christ's voice, that tiny voice, just like Papa just said, Satan's voice is louder. But that voice that is a tiny voice is saying, the end has come. Aber es gibt diese kleine Stimme, die sagt, das Ende ist gekommen. Donc la voix du diable, elle est plus réelle. Tu peux l'écouter, qui te dit abandonne parce que tu en as assez. Mais la voix de Christ, elle est la voix qui est un peu plus bas, qui te dit que la fin est proche. Continue. Praise the Lord. Hallelujah. If you remember that story, that of Mark 9, amen, the epilepsy boy. Wenn du diese Geschichte von diesem in Markus 9 von der Jungen mit dem epileptischen mit der Epilepsie uns anguckst, die Epilepsie. Ja. Si tu te rappelles en Marc, si tu te rappelles l'histoire de ce garçon qui avait l'épilepsie. Let's go to Mark 9 now. Markus 9. Ben on va y aller, c'est Marc 9. Any action outside to deceive you, just like deceive the disciples here. Lass nicht zu, dass irgendwas, was außen passiert, äußerlich passiert, dich trügt. Donc, faut pas être comme les disciples ici, de ne pas voir ce qui est à l'extérieur, que ça puisse t'affecter, ou bien affecter ta foi. Let's read from verse 16. And he asked the scribes, what question ye with them? Verse 17. And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit. Amen. And wheresoever he taketh him, he teareth him like epilepsy. You know, I don't know if you have seen somebody with epilepsy. Amen. And if foamed, do you see there? He foamed and gnashed with his teeth. Amen. And pinned away. And I speak to your disciples that they should cast him out, and they could not. Praise the Lord. He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? Amen. O faithless generation, how long am I going to be with you? Wie lange muss ich mir das noch geben? Ici, Jésus-Christ, quand cet homme explique le fait que les disciples de Jésus-Christ n'étaient pas capables à chasser l'esprit qui était dans son fils, Jésus-Christ dit ici à Marc 9, 19, race d'incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous ici? He expected them to be able to solve that problem. Er hat erwartet, dass die Jünger dieses Problem lösen können, aber sie konnten es nicht. Donc Jésus-Christ, lui, il s'y attendait que les disciples soient capables de chasser l'esprit qui était derrière ce garçon, mais ils n'étaient pas capables à le faire. Verset 19. Amen. Encore. So also today, you and me, whatever is facing us. Genauso heutzutage. Sometimes he's saying of faithless generation. Was immer wir durchmachen, sagt er auch manchmal. Du ungläubiges Geschlecht, wie lange bist du noch in Angst, in Panik, in Sorge? Et tout comme aujourd'hui, toi et moi aujourd'hui, quelquefois on est en train de se comporter très bizarrement et l'Éternel se dit si vous êtes une race d'incrédules. Amen. He answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. And they brought him unto him. And when he saw him, straightway the spirit tell him, and he fell on the ground and swallowed for me. Became more serious. Mm-hmm. Äußerlich. Ici, quand Jésus, Jésus-Christ a demandé que on puisse l'emmener ce garçon, et ce garçon-là a commencé encore à manifester encore des esprits encore plus graves. Donc, oui, c'est devenu encore plus grave. You know, when things get more serious, you know, we just run up, we just give up. Wenn Dinge schlimmer werden, dann gehen wir einfach auf. That's not Christ. Wir laufen einfach weg, aber das ist nicht Christus. Mais aujourd'hui, nous, quand on a des problèmes, et les problèmes deviennent encore plus sérieux, un peu encore plus douloureux, et c'est là qu'on abandonne. Mais ça, c'est pas Jésus-Christ. Là, lui, il commence. You can see before Jesus what was happening to that boy. Mm. When they brought him before Jesus. Mm. Because I see things were worse. Ihr konntet sehen, was diesem Jungen widerfahren ist, als er vor Jesus stand. Und es sah so aus, als ob das Problem noch schlimmer wurde. Und man konnte das mit Augen sehen. Mm-hmm. Donc, ici, on voit vraiment que quand le problème, ou bien ce fils, le garçon, là, était devant l'Éternel, le problème était là, devant Jésus-Christ. Le problème est encore devenu plus sérieux. C'est devenu encore plus grave. Verse 21. And he asked his father, how long is it ago since this came unto him? And he said of a child, verse 22. And oft times he had cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. Praise the Lord. Alleluia. If you can do anything. Donc le Père qui dit à Jésus-Christ, mais si tu peux faire quelque chose, aie compassion avec nous. Because your disciples could do nothing. But then the Jünger haben es nicht gepackt. Parce que apparemment tes disciples n'étaient pas capables à résoudre ce problème. Verset 23. Jesus said unto him, if thou can believe. Praise the Lord. If thou can believe, all things are possible to him that believeth. Jesus hat zu ihm gesagt, wenn du glauben kannst, es geht nicht um mich, es geht um dich. Et Jésus-Christ lui a répondu, il s'agit pas de moi. Donc si toi tu peux, tu es capable de croire, tout est possible à celui qui croit. You can see the load that pastors are putting on themselves. It's as if it's about them. Die Last, die Pastoren auf sich erlegen. Es sieht so aus, ob es um sie geht. Et là, tu peux voir la charge que les pasteurs ont sur eux. Donc, genre, il s'agit des pasteurs. Amen. And that's why in Africa, in Nigeria, for example, people go to witch doctors to get powers so that they can do miracles. Because they want to satisfy the people. They can want to tell. Because for it, they are seeing it. It's as if they are the one that they cannot do something. But here Jesus is saying, you, if you can believe, deswegen gehen then it works. In Nigeria viele Pastoren zu Satanisten, um sich dort Kraft zu beschaffen, damit sie Leute heilen können, so als ob es um ihre Kraft geht, um ihren Glauben geht. Donc c'est pour cela les pasteurs au Nigeria ou bien en Afrique, généralement ils parlent même chez les sorciers pour avoir des pouvoirs, pour genre quand quelqu'un vient et dit pasteur aide-moi, pour que eux ils soient capables de résoudre le problème et pas Dieu. Et c'est pour cela ils parlent même chez le sorcier. Remember Deuteronomy 7. He said, if you do not believe, how can I do it through you? Erinnert euch an 5. Mose, wo steht, dass wenn du nicht glaubst, wie soll ich es dann durch dich hindurch tun? Das sagt Gott zu seinem Volk. Rappelez-vous, Deutéronome, quand l'Éternel dit aux gens que à ce peuple que si vous ne croyez pas, comment pourrais-je faire ou bien accomplir ces choses-là à travers vous si vous ne croyez pas? You must have faith. Du musst Glauben haben. Donc c'est à vous, c'est à toi de croire. Your faith is very important. Dein Glaube ist sehr, sehr wichtig, wenn es zum Königreich, um das Königreich des Himmels geht. Quand il s'agit du royaume des cieux, ta foi est vraiment très importante. And straightway when the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou my unbelief. This here is a message on its own. Amen. It's another topic entirely. Then, when Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit. He rebuked the foul spirit. Er hat den bösen Geist verweigert. Donc après, Jésus-Christ venait au secours et puis il a rejeté ce mauvais esprit. Are you getting it? He did not You know, the child might be foaming in the mouth. It did not rebuke the foaming in the mouth, from the mouth, the gnashing of teeth, but the foul spirit, the spirit behind it. Und Jesus hat nicht das Schäumen verweigert, nicht die Symptome verweigert, sondern er hat direkt die Wurzel, diesen Geist, der dahinter ist. Er hat diesen Dämonen rausgetrieben. Ici, on voit dans la Bible, quand on continue à lire, on voit que ce garçon avait beaucoup de symptômes. Il était en train de bouger. Il avait des histoires dans des salives qui sortaient de sa bouche. Mais Jésus-Christ n'a pas rejeté ses symptômes. Il a rejeté la racine, donc l'esprit qui était derrière tous ces symptômes. C'est ça qu'il a rejeté. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Look at here again. And when Jesus saw the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, that dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him and enter no more into him. You see, enter no more. The other tree, the fig tree said, no one shall eat of you no more. And here he says, enter no more. Please, how Jesus prayed. Once he's, you never remove anything. He always speak to things so that very thing will be killed from the root. Und auch hier sehen wir, wie etwas von der Wurzel aus für immer zerstört wird. Und genauso wie er es beim Feigenbaum gesagt hat, von dir esse nie mehr wieder jemand, genauso sagt er auch hier, dieser Geist fahre nie mehr wieder in ihn hinein. Ici, on voit ici que quand Jésus-Christ menaçait cet esprit-là, il disait que esprit muet et sourd, je t'ordonne, sorte cet enfant et n'y rentre plus jamais. Donc, on voit ici, c'est comme tout, on va voir le parallèle avec le figuier. Quand Jésus-Christ prie et ordonne quelque chose, il dit toujours jamais. Donc, il est en train d'enlever la racine et dit que c'est à jamais, c'est vraiment accompli. Et ça, on doit être aussi habitué à faire la même chose. Jesus knows that the spirit can come back. Jesus weiß, dass dieser Geist zurückkehren kann. Parce que Jésus-Christ, il est conscient, il sait que cet esprit va toujours revenir. Komm nicht noch mal da rein. Et c'est pour cela qu'il dit que ne reviens plus jamais. Once you speak to things, tell them they should not come back. Amen. Wenn wir zu Dingen sprechen, müssen wir ihnen ganz klar sagen, dass sie nicht mehr zurückkommen sollen. Donc quand tu parles, tu ordonnes aux esprits mauvais de partir, tu dois aussi les ordonner de ne plus jamais revenir. Verset 26. And the spirit cried and rent him sore. Got it. Things were worse. You see the verse 26. Die Dinge wurden schlimmer. Amen. Donc, on va faire nous fait voir ici que les histoires d'esprit. Donc, que cet enfant faisait encore des symptômes devenir encore plus graves. Und dieses schlimmer werden kann viele Leute bedrohen, Angst machen und dafür sorgen, dass sie dann doch zurückschrecken. Donc malgré Jésus-Christ était en train d'ordonner à partir, les histoires devenaient encore plus graves. Et cet esprit-là, quand ça devient grave, beaucoup de gens pensent, vont vouloir douter, ils vont dire que mais ça fonctionne pas, sa prière. And you know that things get worse, it can make the pastor even give up. Und auch, dass die Dinge schlimmer werden, können auch dafür sorgen, dass der Pastor aufgibt, genauso wie die Jünger, die dann aufgegeben haben. Donc, le fait que les histoires, malgré ta prière, ou bien la prière même des pasteurs, malgré les prières, les choses deviennent encore plus graves, le pasteur lui-même peut aussi commencer à douter, tout comme les disciples, ils ont commencé à douter. Giving up means abortion. Aber aufzugeben bedeutet Abtreibung. Mais quand tu es en train de abandonner, c'est comme si tu es en train d'avortir. Avorter. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Again, verse 26. Tu avortes ta foi. Verset 26 encore. And the spirit cried, and rent him so, and came out of him, and he was as one dead, in so much that many said he is dead. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you have to be rooted in have faith in God. Du musst verwurzelt sein in diesem Glauben. Verset 26, on voit ici que il y a des gens qui pensaient ben il est maintenant mort cet enfant. Et toi tu dois être vraiment raciné d'avoir foi en Dieu. And Jesus took him by the hand and lifted him up. And he arose. Praise the Lord. Donc, l'enfant devenait comme mort, mais Jésus l'ayant pris par la main et le fit lever. Praise the Lord. Et il s'était un débat. I don't know if I'm able to go further. You know, his disciples now asked Jesus, why could we not do it? Und seine Jünger haben dann Jesus gefragt, weshalb haben wir es nicht geschafft, weshalb ging das nicht? Quand on continue à lire cette histoire, on va voir que les disciples ont demandé, les disciples ont demandé à Jésus-Christ, mais pourquoi on n'était pas capable à rejeter cet esprit? Verset 28. And when he was come into the house, his disciples asked him presently, why couldn't not we cast him out? And he said unto them, this kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting. Praise the Lord. Hallelujah. This kind. Diese Art. Et il les a demandé, mais pourquoi on n'a pas pu être capable à chasser ces démons? Et Jésus-Christ a répondu, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. He's not talking about this kind of spirit. Redet nicht von dieser Art von Geist. This kind of faith, this kind of unbelief, this kind of faith cannot work without you fasting yourself, being rooted Amen. In the truth. Er sagt, diese Art von Glauben kann nicht funktionieren, außer dass du auf dein Unglauben fastes, also komplett los wirst. Donc ici, quand il dit que cette espèce, il ne parle pas de l'espèce de ces démons, il parle de l'espèce de cette foi. Cette foi, tu peux seulement, cette espèce de foi que tu es vraiment, tu peux résister malgré tout ce qui est en train de passer autour de toi et parle, dit le contraire. Ça, tu peux seulement l'avoir en étant en priant et en jeûnant contre les doutes. This kind of unbelief, fear, and doubt. If you read verse 24, look at verse 24 again. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou my unbelief. The problem was not the spirit, the problem was unbelief. Das Problem war nicht der Geist, sondern das Problem war der Unglaube. Ici, verset 24, on voit ce que le Père disait d'abord. Jésus-Christ, il a dit que je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc, on voit que le problème ici, c'était pas le démon dans ce fils. Le problème était l'incrédulité. You know, religion turned into the spirit, the strong spirit. Religion, will lieber sagen, dass es um den Geist ging, weil es ein krasser Geist war, ein krasser Dämon war, deswegen konnten sie ihn nicht packen. La religion aujourd'hui, il a changé ce verset, il dit que ici il s'agissait de l'esprit de cet enfant là qui était l'esprit de cette épilepsie derrière l'épilepsie était très très fort, très puissant. Amen. For prayer and fasting. Fasting is not about the flesh. Und das Fasten ist nicht über das Fleisch, es ist ums Fleisch. Et c'est pour cela je vous dis encore que les jeûner, faire des jeûnes de prière, c'est pas il s'agit pas de la chair. The flesh c'est pas charnel. Das Fleisch nützt nichts. Parce que la chair ne sert à rien. Auf Essen zu verzichten, wird dir nicht zutzen. Das wird dir vielleicht Gewichtsverlust bringen, dass du nicht mehr 100 wiegst und auf einmal 9 Kilo wiegst, aber mehr nicht. Et donc, ça signifie que de avoir, quand tu es en train de jeûner, c'est seulement pour la chair. Donc, ça ne te sert à rien. Tu vas perdre du poids, mais ça ne va rien te faire, en fait. Amen. Il dit fast. To fast your heart. To fast something. To fast. To fast means to be rooted. Mm. To concentrate. Concentrate that what Jesus said, have faith in God. Have faith in the word. Mm. You believe the word. You let your concentration be, I believe, nothing can make me doubt. Mm. Du lässt deine Konzentration darauf sein, dass du glaubst und nichts kann dich zum Zweifeln bringen. Da geht es nicht darum, auf Essen zu verzichten. Et donc, quand tu es en train de jeûner, tu jeûnes, quand tu es en train de croire que tu dis que je veux jamais douter à ce que l'Éternel dit, j'ai prié et je sais que ça sera ainsi et c'est déjà accompli. Et ça, c'est le sort de jeûne spirituel que l'Éternel veut qu'on puisse faire aujourd'hui. I don't know when the time will permit us to look at into different types of unbelief, fear and doubt. There are different. Ich weiß, wann wir Zeit haben werden, in die verschiedenen Arten von Angst, Zweifel und Unglauben zu gehen. Donc, si l'Éternel nous permet, si bientôt on va prier, on va prêcher, je vais prêcher concernant les différents types d'incroyance et de peur et de doute. Your faith is not the problem. Dein Glaube ist nicht das Problem. You all believe that and fear fight your faith. Unglaube, Zweifel, that is what brings problem. And that's why, you know, if you are in Christ, what you allow to come in, if we two of us can have the same problem, I don't go to where you go to listen. So, you know, the doctor can tell you and me, we have the same problem. And you, my focus is Christ. And you, your focus, you are going to the internet and checking who that problem have killed. I don't know what you are, if you understand. Mm-hmm. You know, those how many people have been able to survive? Mm-hmm. How many people, you know, your faith, those things that you go on checking and keep on checking, they are going to affect you. They are going to fight you. Mm-hmm. They fight your faith. Genau, diese ganzen Infos, die du holst, beispielsweise wenn der Arzt uns beiden die gleiche Diagnose gibt und du schaust direkt, okay, wer hat diese Diagnose schon alles in Deutschland umgebracht, getötet oder wie viele Überlebenschancen, wie viel Prozent Lebensschutz hat man bei dieser Diagnose. Wenn du die ganze Zeit diese Sachen reinziehst, musst du dich nicht wundern, dass du dann voll von Angst, Zweifel und Unglauben bist und ich total entspannt einfach auf Christus schaue. Donc, ta foi n'est jamais le problème. Là, le problème, c'est ton incrédulité, tes doutes et ta peur. C'est ça qui combat ta foi. Donc, genre, toi et moi, on a la même foi aujourd'hui. On nous dit que, par exemple, demain, que tu as le cancer. Et moi, si je ne sais pas qu'est-ce qu'est le cancer, ça ne va rien me faire. Je veux dire, ben, c'est quoi ça? C'est à manger? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais si toi, tu te demandes, tu dis, mais le cancer, ce n'est pas quelque chose de grave. Tu pars à l'internet, tu t'informes, tu sais que ça peut tuer, que tu sais que c'est quelque chose qui n'a pas de solution. Tu vas avoir peur, tu auras l'incrédulité et tu vas avoir des doutes. Et ça sera même plus difficile pour toi à croire la parole de l'Éternel que moi, vu que moi je n'ai pas d'informations concernant ça. Praise the Lord. Hallelujah. Very soon we go there, amen. That of unbelief, fear and doubt. We go deeper into it so that we raise it, amen. Wir werden sehr bald auf diese Sachen eingehen, damit wir das wirklich ausradieren. Et bientôt on va vraiment partir prêcher encore ce message pour vraiment être délivré. Back to Mark 11, verse 24. On va rentrer à Marc 11, verset 24. He said, therefore I say unto you, whatsoever you desire when you pray, believe. And not when you see, you believe. The same thing Jesus said to Peter. Have faith in the word, and not have faith in what you see. Wir sollen Glauben haben an das Wort und nicht Glauben haben, wenn wir gesehen haben, oder Glauben auf das, was wir sehen. Donc Marc 11 verset 24 nous dit que ayez la foi en ce que vous disiez, vous à ta prière et pas à ce que tu vois. Are you getting it? Things will come to fight your belief. Dinge werden kommen, deinen Glauben zu bekämpfen. More pain can come. Mehr Schmerzen. Parce qu'il y aura des problèmes qui vont encore venir pour combattre ta foi. Par exemple, tu auras encore plus de douleur.